Le lait du Bisclavaret de Marie de France. Puisque je m'occupe à traduire des laits, je ne veux pas oublier celui du Bisclavaret, ainsi nommé par les Bretons et que les Normands appellent Garoual. Note. Garoual est une corruption du Werwolf des Teutons ou Werewolf des Anglais, le même que le des Grecs. Homme-loup, loup-garou, homme qui a le pouvoir de se transformer en loup. Il ne paraît pas que ce mot de Garoual se soit conservé en Normandie jusqu'à nos jours. Bisclavaret, que Ritson, Lococitato, tome 3, page 331, prétend être la corruption et même l'altération faite à dessein de Blaise Garve, loup méchant, et ne se trouve pas davantage chez les Bretons qui disent Dane Blaise, homme loup. Ce qui est absolument la même chose que Werwolf ou Garoual. Ces deux mots se trouvent encore dans le français loup-garou, c'est-à-dire mot à mot homme-loup. On devrait dire garou tout court. Voyez Rostrenen au mot garou et Le Pelletier au mot garve. Fin de note. Il est très certain, et cela arrivait souvent dans les temps anciens, que les hommes étaient transformés en loup-garou. C'est une bête farouche qui habite les forêts. Sa rage est si grande que dans sa férocité, cette bête dévore les humains, cause les plus grands ravages. Mais laissons cela, et veuillez écouter le Bisclavaret que je désire vous raconter. Parmi les seigneurs de la Bretagne, il en était un qui méritait les plus grands éloges. Brave chevalier, il vivait d'autant plus noblement qu'il était le favori du prince. Aussi était-il chéri de tous ses voisins. Il avait épousé une demoiselle de bonne famille, qu'il aimait tendrement, et dont il était tendrement aimé. Néanmoins, une chose affectait la dame. Toutes les semaines, son mari s'absentait pendant 3 jours entiers, et ni elle ni personne ne savait où il allait, ni ce qu'il devenait pendant ce temps. Notre chevalier rentre un jour chez lui fort gai et fort joyeux. Après les premières caresses, sa dame, prenant la parole, lui parle en ces termes. « Sire, mon beau doux ami, si je l'osais, je me hasarderais à vous faire une question, mais je crains de vous fâcher, et je ne redoute rien plus au monde que votre courroux. » Le mari presse sa femme entre ses bras et l'embrasse. « Chère dame, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je n'ai point de secret pour ma femme, et si je sais la chose dont vous désirez être instruite, je me ferai un plaisir de vous l'apprendre. » « Eh bien, sire, me voilà rassuré, mais vous ne pouvez vous faire une idée de l'inquiétude que j'éprouve les jours où vous vous éloignez de moi. Le matin, je me lève, le soir, je me couche avec la crainte de vous perdre, et, si vous ne calmez mes justes alarmes, il ne me reste qu'à mourir. De grâce, veuillez m'instruire du lieu où vous vous rendez, de ce que vous faites et de ce que vous devenez. » « Cher ami, par la miséricorde de Dieu, je crains qu'il ne m'arrive malheur si je ne vous apprends mon secret. Peut-être cela m'empêcherait-il de vous aimer et m'exposerait peut-être encore à vous perdre. » La dame fut bien étonnée de ce discours qui n'était rien moins que plaisant. Elle ne perdit pas courage. Elle flatta et caressa si tendrement le chevalier que celui-ci lui découvrit entièrement son secret. « Sachez donc que, pendant mon absence, je deviens loup-garou. J'entre dans la grande forêt et vais me cacher dans le plus épais du bois, et là je vis de proies et de racines. Mais, mon bon ami, veuillez me dire si vous vous dépouillez de vos habits, ou bien si vous les gardez. Madame, je vais tout nu. De grâce, enseignez-moi où vous déposez vos vêtements. Cela m'est impossible, car non seulement si je venais à les perdre, mais encore à être aperçu, quand je les quitte, je resterai loup-garou toute la vie. Et je ne pourrai reprendre ma forme ordinaire qu'à l'instant où il me serait rendu. D'après cela, vous ne devez pas être surprise de mon silence à cet égard. Sire, vous savez que je vous aime au-delà de toute expression. Dès lors, vous n'avez rien à craindre de ma part, et ne devez rien me cacher. La confiance naît de l'amitié, et vous me feriez croire que je ne possède ni l'une ni l'autre chez mon époux. Je vous le demande. « Ai-je rien fait pour cesser de les mériter? Dites-le-moi, je vous prie. » Enfin, la dame, redoublant de caresses et d'instances, obtint l'aveu qu'elle désirait tant. Dans la forêt, près d'un carrefour et sur le bord du chemin, est une vieille chapelle qui souvent me devient fort nécessaire. Là, sous un buisson, se trouve une grande pierre creuse où je cache mes habits, jusqu'au moment où je dois les reprendre pour revenir à la maison. La femme fut tellement effrayée de la révélation de son mari qu'elle pensa dès lors au moyen de le quitter et ne voulut plus coucher avec lui. Dans le voisinage était un chevalier qui lui avait longtemps fait la cour. Elle ne lui avait jamais rien accordé, pas même une promesse. Par un message, la dame l'engagea à revenir auprès d'elle. « Réjouissez-vous, belle amie, lui dit-elle en le voyant, les maux que vous avez soufferts vont cesser. Je vous offre aujourd'hui tout ce que vous m'avez demandé. Je vous donne mon cœur, mon amour, et faites de moi votre amie. » Le chevalier, charmé d'apprendre une nouvelle aussi agréable, remercie la dame. Ils promettent par serment de s'aimer toujours. Dès que l'intimité fut établie, la dame instruisait son amant de tout ce que faisait son mari. Elle lui enjoignit d'aller prendre ses vêtements dans l'endroit où ils étaient déposés. Ainsi, le Bisclavaret fut trahi par sa femme, qui le rendit bien malheureux, puisqu'on ignorait entièrement l'époque où il reparaîtrait. Ses amis et ses parents, inquiets de ne plus le voir, venaient souvent à sa maison pour s'informer de ses nouvelles. Plusieurs même partirent pour aller à sa recherche. L'inutilité de leur démarche les engagea à n'en plus faire. La dame épousa bientôt le chevalier dont elle était aimée depuis longtemps. Il s'était bien passé un an depuis que le roi n'avait été à la chasse. Le prince eut envie de prendre cet exercice et se rendit à cet effet dans le bois habité par le Bisclavaret, que les chiens rencontrèrent dès l'instant où ils furent découplés. Il fut poursuivi tout le jour, avait reçu plusieurs blessures par des chasseurs qui étaient prêts de le prendre. Lorsque, voyant venir le roi, il alla à sa rencontre pour demander grâce. Le Bisclavaret saisit l'étrier du monarque, lui baise le pied et la jambe. Le roi eut d'abord peur, mais aussitôt revenu de son effroi, il appelle à lui ses compagnons. « Venez, seigneur, venez considérer cette merveille. Regardez comme cet animal s'humilie. Il a l'intelligence de l'homme, puisqu'il crie « Miséricorde ». Faites retenir les chiens et veillez à ce que personne ne le blesse. Allons, apprêtez-vous, retournons au château, car je ne veux pas chasser davantage, et suis trop satisfait de ma découverte. » Le prince se met en marche avec le Bisclavaret qui suit ses pas et qui ne veut pas l'abandonner. Le roi, joyeux de sa capture, qu'il regarde comme une chose surprenante, l'emmène au château. Ayant pris le Bisclavaret en affection, le monarque ordonne aux gens de sa cour, sous peine d'être privé de ses bonnes grâces, non seulement de ne point battre ou toucher à son loup, mais encore d'en avoir le plus grand soin. Pendant le jour, le Bisclavaret restait près des chevaliers et passait les nuits dans la chambre du roi. Tout le monde l'aimait parce qu'il ne faisait de mal à personne, et que partout où il suivait le roi, jamais on n'avait eu à s'en plaindre, mais au contraire à s'en louer. Or, écoutez ce qui arriva plus tard à une cour plénière tenue par le roi et à laquelle, pour la rendre plus belle, il avait invité tous ses barons et vassaux. Le chevalier époux de la femme du Bisclavaret s'y rendit avec sa dame, qui ne savait pas se rencontrer avec son premier mari. Dès que le Bisclavaret aperçoit le chevalier qui entrait au palais, il court à sa rencontre, s'élance, le saisit, le mord et lui fait une large blessure. Le traître eût sans doute perdu la vie si le roi n'eût rappelé le Bisclavaret et ne l'eût menacé d'une baguette. Deux autres fois, il voulut encore se jeter sur son ennemi. Chacun fut étonné de la colère de cet animal qui, jusque-là, avait été d'une douceur extrême. Dans tout le palais, il n'était d'autre bruit que le Bisclavaret ne l'avait sans doute pas fait sans raison, et sans doute aussi qu'il avait à venger un méfait. Pendant la durée de la fête, il fut toujours le même. Lorsqu'elle fut achevée, les barons prirent congé pour retourner chez eux. Le chevalier, que le Bisclavaret avait assailli avec tant de raison, fut un des premiers qui s'en alla. Il arriva peu de temps après que le roi voulut aller chasser dans la forêt où le Bisclavaret avait été trouvé. Il suivit le prince qui séjourna dans la contrée où demeurait son infidèle épouse. Instruite du passage du monarque, la dame s'apprête richement et demande audience pour lui faire un présent. Le prince l'octroie, et comme elle entrait dans la chambre, le Bisclavaret l'aperçoit. Sans que personne puisse l'arrêter, il court sur elle, lui saute à la figure, et, pour assouvir sa vengeance, il lui arrache le nez. Les courtisans le menacent, et il allait être mis en pièces, lorsqu'un philosophe, prenant la parole, dit au roi. « Sire, daignez m'écouter. Cet animal vous accompagne sans cesse. il n'est aucun de nous qui ne le connaisse parfaitement et qui, plusieurs fois, n'ait été placé près de lui. Jamais il n'a fait de mal à personne, si ce n'est à cette dame qui vous a été présentée. Par la foi que je vous dois, il faut absolument qu'il ait à se plaindre tant de cette femme que de son mari. Elle avait d'abord épousé ce chevalier dont vous estimiez tant les vertus et le courage, et dont on n'a point de nouvelles depuis longtemps. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Faites renfermer cette dame, sire, ordonnez qu'elle soit mise à la gêne. Par ce moyen, vous lui ferez dire pourquoi cette bête la hait, car vous savez que nous avons vu maintes aventures extraordinaires qui ont eu lieu dans la Bretagne. » Le roi suivit le conseil qui venait de lui être donné. Il fit arrêter le chevalier et sa femme, qui furent conduits en prison. Bientôt, la dame, effrayée des mesures qu'on prenait, avoua comment elle avait trahi son premier époux, en indiquant l'endroit où il cachait ses vêtements. Elle ne savait ce qu'il était devenu depuis cette époque, puisqu'il n'était point retourné chez lui. Au surplus, la dame pensait et croyait que le Bisclavaret pouvait être son premier mari. Le roi ordonna sur-le-champ d'apporter les habits, que cela lui fût agréable ou non. Sitôt qu'ils sont arrivés, on les étala devant le Bisclavaret, qui sembla d'abord n'y pas faire grande attention, parce qu'il y avait trop de monde devant lui. Le philosophe fit appeler le roi pour lui donner un nouveau conseil. « Sire, permettez-moi de vous dire que votre loup ne veut pas mettre ses vêtements en public, puisqu'il doit redevenir homme. Il craint et a peur d'être aperçu dans sa métamorphose. Faites-le conduire dans vos appartements avec ses dépouilles. Nous le laisserons reposer à son aise. Puis on verra bien s'il devient homme. » Le roi conduisit lui-même le Bisclavaret et revint en fermant toutes les portes sur lui. Au bout de quelque temps d'attente, le prince, suivi de deux barons, entra dans la chambre où il aperçut le chevalier qui dormait dans son lit. Aussitôt, le roi courut l'embrasser, puis le serra dans ses bras. Dès qu'ils eurent causé, il lui rendit sa terre et lui fit des dons magnifiques. La dame infidèle fut chassée du pays ainsi que son époux pour une trahison aussi noire. Ils eurent par suite plusieurs enfants qui étaient fort aisés à reconnaître. Toutes les filles vinrent au monde, sans nez. Ceci est de la plus exacte vérité. C'est pourquoi elles furent surnommées Énasées. N'en doutez pas, l'aventure que vous venez d'entendre est très vraie. Les Bretons, qui en conserveront toujours le souvenir, en ont fait le lait du Bisclavaret.